ta grâce me suffit. Si je peux vivre aujourd'hui, c'est car tu me bénis. Je ne crains aucun mal, car tu marches avec moi. En tout temps tu es là pour moi, ma vie entière je te le dois.